Norodom Lanalid, président du parti Funcimpec du Cambodge, parti du Front Uni National pour un Cambodge indépendant, neutre, pacifique et coopératif, a fait parvenir une corbeille de fleurs et un message de félicitations au dirigeant suprême Kim Jong-un à l'occasion du premier anniversaire de sa promotion au poste de président du Parti du Travail de Corée. Le conseiller du président du parti Funcimpec les a transmis le discours à l'ambassadeur coréen au Cambodge. Il a dit que le président du parti, Norodom Lanalid, et tous les militants du parti formulent les meilleurs vœux et félicitations au maréchal Kim Jong-un, dirigeant suprême de la République populaire démocratique de Corée, à l'occasion du premier anniversaire de sa promotion au poste de président du Parti du Travail de Corée. Puis, il a souhaité sincèrement de plus grands succès au peuple coréen dans l'édification d'une puissance socialiste sous la direction du respecté maréchal.